musique, disait mon grand-père, c'est comme le vin, c'est comme l'amour. Danse-la, chante-la, toute la vie, ça fait du bien, ça donne l'oubli. La musique, disait mon grand-père, ça met du soleil chez n'importe qui. Danse-la, chante-la, quand tout est gris, quand ton cœur sombre au fond de la nuit. Quand le matin, le ciel est gris, moi je peux l'effacer. Je n'ai qu'à chanter un vieux refrain, trois pas de claquettes et puis me voilà. L'amour.